ขอเฮ็ด มา ไปเฮ็ด คนกะเอร ออันจัน คนอินเจอคนงายกอริงเอมากาลา วะละเจ คนอินโกนิงโก วะละเจเยเรกะเป็นกะเวละ โยเป็นกะเวละ Je travaille depuis 2005 à documenter des langues parlées en Australie, dans les territoires du Nord. Dans une toute petite ville, en fait, c'est même pas une ville, c'est un village qui s'appelle Timber Creek. C'est à peu près 600 km à vol d'oiseau de Darwin. Les langues sur lesquelles j'ai travaillé, donc, ça s'appelle Jaminjong et Ngaliwuru. Les deux sont apparentés. Et il y a une troisième langue qui s'appelle Nyaringman, qui est vraiment parlée sur le même territoire, mais qui n'est pas du tout dans la même famille de langues. Toutes ces langues-là sont parlées à Timber Creek, autour de Timber Creek. Il y a une grande rivière qui s'appelle la rivière Victoria. C'est une rivière vraiment spéciale parce qu'elle a de l'eau toute l'année, alors que ce n'est pas du tout le cas de la plupart des rivières en Australie. Ma recherche, ça s'intéresse à la prosodie, puis aussi, du côté grammaire, c'est la structure de l'information. Il s'agit d'essayer d'attraper la langue dans son naturel. On veut documenter le plus de genres possible, des conversations, des histoires, des situations. Si on a la chance de tomber sur des événements qui se déroulent, il faut essayer de participer, puis on essaie de faire des enregistrements. Les langues traditionnelles disparaissent, et là-bas, c'est vraiment l'effet de l'arrivée des Blancs. Les premiers Blancs ont commencé à s'installer dans ces coins-là autour de 1900. Alors, c'est pratiquement de mémoire d'homme que les Blancs sont arrivés. Il y a des vieilles dames avec qui je travaille, leurs grand-mères, elles ont vécu l'arrivée des Blancs. À ce moment-là, les Aborigènes, ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Et tout ce mode de vie-là, ça a disparu, ça a été balayé. À peu près deux générations. La langue disparaît, les personnes âgées parlent plus Jaminjong, par exemple, ou Ngaliwuru ou Ngaringman à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Pourquoi ça se produit? C'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Ils ont vécu un grand choc culturel. Dans cette région-là, particulièrement là, à Timber Creek, il n'y a pas eu de règles ou de lois qui sont venues interdire aux gens d'utiliser leur langue. Il faut essayer de comprendre l'importance ou la place de la langue en Australie pour les Aborigènes. Alors, c'est vraiment une question d'appartenance. On fait partie d'une famille. On est aussi attaché à un territoire. Et on est les gardiens du territoire. Et on est aussi les gardiens de tout le savoir qui est attaché avec le territoire. Il ne faut peut-être pas s'imaginer un territoire de chasse. Le concept est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Il y a un aspect spirituel aussi. What about the special noise from that, like Nindu? Nindu. Yeah. Nindu, oh, kara, kara, hey, like that. You call him Ngangangap? Ngangangap, call him, yeah. Ngangangap. Quand les Blancs sont arrivés, il y avait, on estime, environ 200 langues aborigènes. Il en reste une cinquantaine, mais il n'y en a plus qu'une dizaine qui sont transmises aux jeunes. Pour nous, c'est vraiment l'indicateur. Si la langue est transmise aux jeunes, aux enfants, on dit qu'elle est vitale. À Timber Creek, les enfants, ils parlent créole. Et créole, c'est une langue à part entière. C'est un mélange des langues aborigènes avec de l'anglais. Mais le créole, ça a sa propre grammaire. C'est la langue que les jeunes parlent. La langue, ça ne disparaît pas nécessairement du jour au lendemain. Les jeunes, ils comprennent quand on leur parle Jaminjong et Ngaliburu, c'est simplement qu'ils ne parlent pas. On appelle ça, nous, avoir une connaissance passive de la langue. Pour Jaminjong, Ngaliburu, il nous reste une douzaine de personnes qui parlent couramment, puis ces personnes-là sont toutes âgées. Concrètement, une journée de travail, ça ressemble à peu près à ça. Pour commencer, bon, il faut s'amener en Australie, ça, c'est pas trop difficile. Deux enregistreuses de bon niveau, d'excellents microphones aussi, une caméra vidéo. C'est à peu près tout ce qu'il faut pour commencer. Idéalement, pour faire des enregistrements, on s'installe dans un studio pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne qualité. Mais pour nous, c'est complètement impossible. On travaille toujours à l'extérieur. Une journée typique, donc, je pars du village parce que je m'installe toujours au village quand je vais travailler là-bas. Et là, il faut que j'aille trouver mes dames. On va s'installer, il faut trouver un coin tranquille auprès d'une crique, une rivière. C'est elles qui choisissent. Elles amènent leur matériel de pêche. Le matériel de pêche, c'est pas forcément une canne, c'est plutôt une ligne avec un hameçon, puis des appâts. Puis elles, pendant toute la journée, elles vont pêcher, elles essaient d'attraper des poissons ou des tortues, ça dépend où on se trouve. De mon côté, je dois fournir la lunch. Quand j'arrive, je fais le feu, je mets l'eau à bouillir pour le thé. Encore une fois, c'est parce que je suis la femme la plus jeune, donc c'est à moi de remplir cette tâche. Ensuite, je m'installe l'équipement. Elles, de leur côté, elles s'organisent avec leur ligne, lancent leur ligne dans la rivière ou dans la crique. Puis finalement, on est prêt à commencer à travailler. Today is the 5th of August 2014 and we are sitting at Hot Springs and now Nancy Roberts and Josie Roberts are going to tell a story about Mudmud. Ma. We're going to talk story today about Mudmud. Yo, I'm a bit even by Injo. On travaille par tranche d'une heure, à peu près une heure. Elle me parle. Si elle me raconte une histoire, j'enregistre. Après, on écoute les enregistrements ensemble. On vérifie la qualité. That means put them together. Yeah. But I say the same with Jorb. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Elles sont devenues très critiques sur la qualité des enregistrements. Puis en écoutant ensemble, elles vont vraiment décider si elles sont contentes de l'enregistrement. Elles comprennent, par exemple, que s'il y a deux ou trois personnes qui parlent en même temps, l'une par-dessus l'autre, ou si quelqu'un se met à rire, on n'entend rien, puis il faut recommencer. Ensuite, évidemment, aussi, il y a tout un travail de vérification. Moi, j'essaye de transcrire, j'essaye de saisir le sens, de m'assurer que j'ai bien compris. Puis vraiment, c'est un cycle qu'on a développé ensemble. Elles sont devenues vraiment d'excellentes linguistes. Okay. What about that word? Well, I'm not sure if it's right, that word. We got him that jour book. That man in Jambin, that man. Yeah? Water. In the water? Jour book. Like a man on him. Thing like swimming pool. I'm swimming. But can I say like him from up there and jumping down? Can I say in Jurbuk there? Yeah. Or not in, you're gonna jump in the water? Jump up the water. I think. On peut pas faire n'importe quoi. Il faut trouver des façons de discuter pour que ça ait du sens pour elles. Alors évidemment, si je commence à leur parler de grammaire ou de n'importe quoi qui les intéresse pas ou qui sont trop des trucs, ce qu'elles appellent des trucs de blanc, elles refusent simplement de faire ce genre de choses-là. Any more noise? Anybody? From the snake? Snake? No. Were they making like in... Not talking, like that? Yeah. Yeah. Pull on your knee, he'll leave Yeah, in blue, we'll leave him. Like that, the snake. À la fin de la journée, on rentre. On ramasse tout, on range tout, l'équipement, tout ça. Et puis, il faut les amener faire des courses, il faut les amener à la clinique. C'est tout à fait naturel, il faut les aider parce que c'est des personnes âgées. Ma journée à moi n'est pas tout à fait finie parce que j'ai toute une autre session de traitement des données. Au fil des années, on a développé une orthographe, on a créé un dictionnaire. On va dériver la structure grammaticale à partir de tout ça, puis éventuellement, on arrivera à écrire la grammaire de la langue. Ça nous sert à nous, les linguistes, comme on s'intéresse à divers aspects de la langue et des langues. Puis on espère que ça va servir aux gens là-bas, aux aborigènes et puis à la communauté. On essaye d'encourager l'intégration de cours de Jaminjong à l'école. De mon côté, j'essaye de produire du matériel qui peut être utilisé à partir de ce qu'on a fait là, avec les dames. La pire chose qu'on puisse faire, c'est de créer une collection qui deviendra une espèce d'artefact de musée. C'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Puis au fil des années, il y a une prise de conscience au sein de la communauté de la valeur de sa langue ancestrale. On dirait que c'est la génération d'après qui se dit « Attendez, j'ai entendu ma grand-mère parler comme ça. » Il y a une revalorisation de la langue ancestrale. Puis nous, ce qu'on espère, c'est que le travail qu'on fait va pouvoir servir de pont pour les gens qui vont s'intéresser à la langue de leurs grands-parents. Il y a une dame avec qui je travaille. Elle, c'est la fille d'une de mes collègues linguistes. Elle vient d'avoir un bébé qui est à peu près 2 ans maintenant. Puis cette dame-là, elle insiste pour que la petite apprenne la langue des grands-parents. Alors, elle veut qu'elle écoute les histoires, elle veut qu'elle apprenne les chansons. Puis c'est elle qui m'a demandé expressément de faire des livres pour les enfants. Puis ce désir-là, finalement, vraiment ce sentiment de « il faut faire quelque chose si on veut que les enfants apprennent la langue », il faut leur parler, puis il faut leur demander de nous répondre en Jaminjong. Ça, c'est quelque chose qui commence à se développer là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre des gens qui pensent vraiment autrement que nous. Je trouve ça fascinant. Le côté culturel, la relation avec les gens, c'est différent. Les concepts, c'est différent. Puis ce que ça demande, c'est un effort d'imagination. Il faut vraiment exercer notre imagination à nous pour essayer de comprendre. Puis c'est ça qui fait que le travail est passionnant, en fait.